Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes donc une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Avec ce soir une invitée, Laïla, c'est son prénom. Donc on va parler de garde périscolaire. Disons que... En ce qui concerne les gardes périscolaires, c'est souvent une source de conflit entre associations et puis souvent avec les municipalités, parce que bien sûr, ça représente un coût financier qui peut être important et que les parents, forcément, n'ont pas vocation à assumer entièrement. Voilà, donc ce soir, on va parler de Remiremont, parce que, bien entendu... Il y a plusieurs épisodes précédents qui font que ces gardes périscolaires, en fait tout ce qui est périscolaire en Remiremont, ont présenté des difficultés, surtout après que le centre social ait regagné le centre-ville, alors qu'il était auparavant au Rumont. C'est-à-dire qu'à l'époque, si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs on avait eu quelques intervenants sur ce sujet-là, le centre social qui était géré par la Caisse d'allocation familiale des Vosges, et puis donc sa gestion a été confiée par la CAF, avec les subventions quand même adéquates, à la mairie d'Ormiremont qui a bien voulu reprendre donc cette gestion du centre social. Et c'est là que le centre social est descendu. Au centre de Remiremont, c'est-à-dire à l'espace Saint-Romary, et que il y a eu quelques tiraillements dès cette époque, justement, parce que certaines personnes du Rumont, en particulier des associations, estimaient que de toute façon, on avait quand même déshabillé le Rumont pour garnir le centre-ville. La municipalité disant, non, mais de toute façon, le centre social, ça doit être à disposition de tous les habitants de Remiremont et non pas seulement du Rumont. Même si, bien sûr, il y avait des contrats-villes, etc., qui faisaient que le Rumont devait être privilégié. Enfin, depuis que les nouvelles activités périscolaires ont été supprimées en quelque sorte, mais pas sur Remiremont, c'est-à-dire que les communes les ont supprimées, étant donné qu'elles n'étaient plus soutenues par l'État, par le gouvernement. Il n'y avait plus de disposition légale dès l'arrivée de Macron pour ces INAP, ces fameuses nouvelles activités périscolaires. Donc il y a des difficultés qui surgissent aujourd'hui, et puis on a appris d'une manière un peu détournée que l'association de Revillon, dite les Petits Loups, avait été dissoute, c'était autodissoute, pourrait-on dire, et puis que apparemment une autre association devait reprendre cette activité périscolaire de halte garderie. Et donc à partir de ce moment-là, il y aurait dû y avoir donc mutation des personnels d'une association à une autre, puisque de toute façon, il y avait une nécessité de pérenniser cette garde. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est, puisque des déclarations contradictoires des uns et des autres par rapport à ça, à nous souhaiter que Laïla nous résume un petit peu la situation pour qu'on sache où on en est, en sachant bien que, bien sûr, Laïla a un point de vue, et que si le centre social, parce qu'en particulier, il apparaîtrait que c'est le centre social qui est maître d'œuvre en la matière, a exposé une théorie différente, bien sûr, ils seront toujours les bienvenus au micro d'RGM. Mais pour l'heure, bien sûr, on a conçu cette émission assez rapidement avec Laïla, parce que il y a des choses qui apparaissent, j'allais dire, assez bizarres dans cette gestion de la garde périscolaire sur Revillon et puis plus largement sur Remiremont. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? J'ai essayé d'être le plus court possible, et puis en même temps, ne pas attiser trop les patients, mais il n'empêche quand même qu'aujourd'hui, les patients risquent de se déchaîner autour de cette halte garderie de Revillon, et cette association des petits loups. Alors, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation de la situation. Malheureusement, dans cette situation, il y a quand même 3 employés qui vont se retrouver au chômage. On leur a quand même proposé de... C'est-à-dire, alors, précisons, donc la halte garderie de Revillon employait 3 personnes. Tout à fait, 3 personnes. Sur le mode associatif, puisque c'était une association loi de 1901. C'est ça. Donc du coup, il y avait une directrice plus 2 animatrices périscolaires qui sont là le matin. Combien? 2? 2 animatrices plus la directrice. Donc ils panachent pour tout le temps être 2. Question de sécurité, bien entendu, et réglementation. Et combien d'enfants étaient concernés par cette halte garderie? Alors, au maximum, 22 à 24 enfants. Je sais, le chiffre était fluctuant. Oui, ça... Ça peut fluctuer suivant... Tout à fait. Ça dépendait des jours. Il y en a qui étaient présents, d'autres qui n'étaient pas présents. Le jour d'après, tout le monde était là. Ça dépend aussi des disponibilités des parents. Une garderie périscolaire, c'est quand même pour aider les parents. C'est un peu la carte, quoi. Un petit peu quand même, mais il paye... Enfin, il s'engage quand même pour l'année. Tout à fait. Mais c'est bien ce côté... j'arrive pas à trouver le mot, mais le côté de laisser le choix, en fait, de pas être obligé d'y aller. C'est-à-dire quand même que les parents s'engagent, parce que bien évidemment il y a des employés, et donc il faudrait une pérennité de l'activité quand même. Donc il y a les parents. Enfin, les... Il peut y avoir des raisons valables, des raisons légitimes pour qu'un enfant ne puisse pas aller à la périscolaire. Hein. Ça peut être la maladie, ça peut être l'indisponibilité des parents à un moment donné. Bon, il y a des tas de motifs pour lesquels des enfants ne peuvent pas participer à des activités périscolaires. Et encore, à la garderie de Revillon, ils ont un système très bien fait. C'est que les parents, ils ont une semaine à l'avance, je pense comme toutes les garderies préscolaires du coin, une semaine à l'avance, ils prévoient soit de mettre ou non leur enfant en garderie. Et comme ça, ils arrivent à faire leur propre gestion d'une semaine à l'autre. Moi, je pense que l'association aurait pu être dissoute d'une autre manière et que cette situation aurait pu être gérée de différentes façons. D'une part, un arrangement à l'amiable entre les deux associations, étant donné qu'ils vont reprendre la même activité, une garderie. Oui, mais est-ce qu'on est sûr qu'une autre association va reprendre cette activité? C'est ce qui avait été dit aux salariés. Au départ. Apparemment, d'après nos informations, la version diffère aujourd'hui. Après, malheureusement, ce qui est dit verbalement n'a aucune preuve juridique. Et c'est pour ça que moi, j'invite toute personne qui a des choses à revendiquer et à dire, à les faire par courrier, par écrit. Au moins, par rapport à ça, il n'y aura pas de problème. Parce que se renvoyer la balle d'un côté à l'autre... C'est pas tellement professionnel dans cette situation. Il y a quand même des mamans qui vont se retrouver au chômage. Vu la situation aujourd'hui de l'emploi, c'est quand même précaire. Donc, comme je disais, ils auraient pu dissoudre cette association d'une manière totalement différente, avec des solutions qui étaient correctes pour tout le monde. Pourquoi dissoudre une association? C'est quand même une démarche assez rarissime, déjà. Et puis, deuxième chose, le fait qu'une association soit en déficit n'est quand même pas très original. Hein, on sait très bien qu'une association poursuit la plupart un but non lucratif, fort heureusement, au service de la population. Après, bien sûr, c'est peut-être à une association de demander de l'aide pour éviter des licenciements, par exemple. Moi, je sais que cette association, justement, il y a 2 ans de ça, a demandé de l'aide. L'ancienne présidente, qui n'était pas Madame Jacquel, l'ancienne actuelle présidente, on va dire, entre guillemets, l'ancienne présidente voulait de l'aide de la part de la mairie. Malheureusement, elle n'a pas pu en avoir. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais quand même, la mairie subventionne quand même la halte garderie ou pas? Subventionne parce que je sais que ils ont quand même eu de l'aide pour leur salaire. Donc pour verser le salaire aux salariés. Mmh, tout à fait. Donc après ça, est-ce qu'il y a eu un accord ? Je ne sais pas, je ne suis pas en interne avec eux. Mais voilà, un avis extérieur en tant que professionnel et aussi bénévole dans les associations, je sais comment que ça se passe, comment que ça marche. Donc voilà, il y aurait quand même eu la question à se poser, qu'est-ce qu'on fait les salariés ? Où on va les poser ? Qu'est-ce qu'on fait des salariés ? Les salariés, c'est quand même la première préoccupation, normalement. Une dissolution d'association, si elle est toute seule, il n'y a pas de salariés, il n'y a aucun souci. Mais là, il y a des salariés. Les salariés, il faut les transférer obligatoirement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Les transférer s'il y a une reprise de l'activité, bien entendu. S'il y a une reprise de l'activité, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que verbalement, il n'y avait aucune preuve juridique et qu'il fallait des courriers. Mais alors, est-ce que nous, par exemple, lambda, est-ce que n'importe qui peut écrire un courrier ? Alors, un courrier doit être les personnes intéressées et surtout pas anonyme. Surtout, il faut que ce soit des personnes concernées. Ce sont des feuilles à signer. Ou des citoyens qui seraient émus par une situation bien spécifique. Mais alors, quoi leur dire ? Parce que dans un courrier, il faut quand même être capable d'expliquer. Enfin, moi, je ne saurais pas à qui. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2018. Il y a des professionnels qui sont justement formés pour ce genre de choses, la CFDT, la CGT, pour écrire les courriers, avoir des informations juridiquement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des lois et des droits, faut le savoir. On se fait manipuler malheureusement, et c'est pas correct. Qu'est-ce que fait une halte-garderie exactement ? Quelles sont les activités qui sont proposées aux enfants et aux parents d'élèves ? Alors moi, je vais vous parler de celle où j'ai travaillé, donc celle de Révillon. L'accueil des enfants, les enfants arrivent à la fin de leur journée scolaire. Par exemple, à 16h30. À 16h30, ils arrivent, un passage aux toilettes, lavage de mains, ils font le goûter. Les enfants qui ont des devoirs se mettent dans une table. Alors qu'est-ce qui paye le goûter, par exemple ? Alors, je me souviens qu'à une époque, c'était la garderie de Révillon qui achetait les goûters pour les enfants. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, c'est les gamins qui ramènent chacun individuellement leurs biscuits. Donc elle avait bien des fonds, quoi. Les prestations ont commencé à diminuer. Ont bien chuté quand même. L'association n'a même pas pu quoi acheter des goûters. Des goûters, c'est les enfants qui rapportent leurs goûters. Ah. Ouais. Et juste après le goûter, les enfants qui ont des devoirs se mettent à une table pour faire leur exercice. Et s'ils ont besoin d'aide, les animatrices sont là. Et s'il y a des enfants qui veulent sortir en extérieur, faire des activités, jouer au foot, jouer au basket, des jeux de société, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Donc c'est vrai la garderie de Révillon privilégie l'entraide, la solidarité, le respect, ludique, voilà. Respect, solidarité, puis le c'est ludique prévu aussi, statues. Le ludique. C'est prévu dans les statuts de la loi de 1901, c'est des ça. Petits loups. C'est ça. Alors, comme toute association loi de 1901, il est bien évident que... Est-ce que dans les prestations qui sont offertes, en quelque sorte, par cette association loi de 1901, on retrouve... le repas de midi ? Non, malheureusement, je sais qu'il y a un moment, la garderie de Révillon travaillait et prenait des enfants le temps de midi. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus que le mercredi. D'accord. Ils travaillent juste le mercredi en binôme pour l'accueil des enfants. C'est-à-dire que les enfants rejoignent donc une cantine. Alors le mercredi midi, la ville de Remiremont a mis en place justement les activités le mercredi après-midi, le mercredi récréatif. Donc les et parents pour les ont autres, possibilité... alors dont les parents travaillent toute la journée, par exemple, qui sont absents de leur domicile, il y a alors rien justement, prévu. Alors justement, la mairie de Remiremont et le centre social a mis en place des activités le mercredi après-midi, les mercredis récréatifs. Et à ce moment-là, des activités sont proposées aux enfants au centre de la Grange Puton. Ah, c'est la Grange Puton. Voilà, c'est au centre de la Grange Puton. Oui. Donc les parents sont libres de choisir que font leurs enfants le mercredi après-midi. Soit ils partent directement de l'école au centre aéré, ils les récupèrent le soir. Et les autres jours en semaine. Et les autres jours en semaine, ben, ils les récupèrent le temps de midi. Je pense que tous les parents se sont arrangés justement pour trouver un système lorsqu'on a enlevé la garderie le temps de midi. Et ils se sont habitués avec ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce fait de rétrécir, de diminuer les prestations comme ça au cours des années? Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question. J'aurais bien voulu... Parce qu'on a l'impression que c'est devenu une... Que c'est devenu maintenant chose banale de diminuer les prestations des associations parce que ça manque de moyens financiers, les services publics ferment, etc. On a vraiment l'impression que tout de même, les services qui sont offerts aux citoyens sur toute une circonscription, sur tout un pays, diminuent de plus en plus partout. Ou est-ce simplement une impression? Non, c'est pas une impression, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent et qu'on ne reverra plus jamais. Parce qu'il y a moins d'enfants ou bien simplement parce qu'on veut économiser toujours davantage? Non, je pense que moins dépenser d'argent, plutôt. Remiremont, quand même, est une ville qui accueille énormément d'enfants. Le centre aéré a des capacités d'accueil extraordinaires. Et c'est aussi une association de loi de 1900, le centre aéré. Je pense, oui. Oui. L'association des usagers du centre social. D'accord, c'est eux qui gèrent encore aujourd'hui le centre aéré. Oui. Mais il y a des enfants de quel âge à quel âge? Il y a des très petits Alors, normalement, c'est de 4 ans jusqu'à 13-14 ans. Si je ne me trompe pas. À moins qu'ils font jusqu'à 14 ans. 13, ah bon, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont au collège? Non, justement, ils ont un service ado. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça c'est ce qui se fait beaucoup dans les centres sociaux. Attention, mais il y a les petits. Oui, ce qui n'est pas illogique. C'est tout à fait normal, moi je dis. Donc, par exemple, garderie de Revillon, ça s'arrêtait à 12 au ans. Niveau du CM2. Voilà, le CM2, 12 ans, oui. 11-12 ans. 11-12 ans, oui, suivant le... Et après, suivant, ça suivant bien pour sûr, les plus le rythme ouais. scolaire hein, que pouvaient avoir ces enfants-là. Oui, alors aujourd'hui, ça veut dire que des salariés ont reçu finalement des lettres de licenciement. Ou c'est plus compliqué que cela? Si on regarde d'un point de vue extérieur, oui, elles vont être licenciées, elles n'auront plus d'emploi. Ça, il n'y a pas photo. Mais par contre, si on voit par rapport juridictionnellement, il y a un souci. Il y a des choses qui n'ont pas été effectuées, à mon avis personnel. Il y a des choses qui n'ont pas été effectuées selon la loi. Donc, faudrait quand même revoir les textes de loi. Comment ça s'est passé pratiquement? C'est donc trois salariés qui sont là et qui ont été avertis qu'ils allaient être licenciés ou ils sont déjà licenciés. Ils sont toujours en poste jusqu'à présent. Donc jusqu'à la fin de la période. Jusqu'à la fin de la période Parce que là, quand même, la halte garderie s'est engagée vis-à-vis des parents jusqu'au mois de juillet. Mmh. En théorie, oui. Mais est-ce qu'il y a les mois de... Est-ce qu'ils font les deux mois de préavis? Est-ce que... Ah oui, c'est complètement... Il faut voir si, justement, ils sont dans les textes de loi. D'accord. Mais ce sont moi, j'inviterais quand même les salariés à quand même se renseigner, à faire valoir leurs droits. Mm-hmm. Car oui, parce que c'est un peu facile. Toi-même, tu as été salarié, mais en contrat précaire. Oui, j'ai été salarié de cette halte-garderie. De cette halte-garderie et on m'a... Okay, alors qu'est-ce qu'il faut pour exercer une activité dans une halte-garderie? Il faut un diplôme? Alors moi, j'ai un BAFA et un BPJEPS en loisirs tout public. Et je suis aussi animatrice astronomie, animatrice nature. Donc j'ai quand même des bagages derrière moi. Mais juste un BAFA et une expérience derrière, je pense que c'est simplement suffisant. Par contre, pour la direction, là, il faudrait un BPJEPS ou un BAFD. Enfin, il y a des normes, il y a certainement des normes. Encore un BAFD, malheureusement, il peut. Ils sont contrôlés par Jeunesse et Sport. C'est ça, tout à fait. Donc, ce ne serait pas la même réglementation pour un BPJEPS et un BAFD, bien entendu. Parce que qu'est-ce qui subventionne en fait ? Il y a la mairie, je suppose, mais aussi la caisse d'allocation familiale, il y a différents financements qui permettent justement la mise en place et la pérennité de ce type de structure. Alors moi je pense que les financements ont toujours été les mêmes qu'avant. Je pense que ça n'a rien changé. C'est mon avis. Moi je pense que les financements, voilà, c'est toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait que l'association soit dissoute, alors, si vous avez encore des financements ? À l'association, je ne sais pas si elle avait des financements, justement. Ah, moi, je ne peux pas parler en tant que de l'association, car je ne suis pas en interne. Je n'ai jamais vu les documents, je n'ai jamais vu la gestion financière, les papiers administratifs. Je connais cette association que d'un point de vue extérieur, et que je connais les salariés. Mais je voulais vous demander, ces salariés, par exemple, s'ils sont au chômage, ils pourront plus travailler en halte garderie, ils chercheront un autre métier ailleurs. On les a invités quand même à postuler pour leur propre poste. Oui. Ça, je pense que c'est. Bon, ce qu'il faut savoir, il faut savoir quand même, il existe ce qu'on appelait l'article L122-12 du Code du travail en France, qui était modifié du temps de M. Sarkozy, qui est devenu l'article 1224-1 du Code du travail. Mais c'était la reprise purement et simplement, c'est-à-dire que du temps de Nicolas Sarkozy, le Code du travail était restructuré. Il n'y a pratiquement pas eu de changement, très peu de changements. Par contre, depuis l'arrivée de Macron, les lois travail, déjà avant Macron, mais enfin c'était déjà Macron qui était l'inspirateur de la première loi travail. On est arrivé quand même dans une situation où il y a eu des modifications, mais ces modifications ne pouvaient pas interférer sur la loi, sur cette fameuse article 1224-1 du Code du travail. Dans la loi travail, il y avait juste des modalités pratiques pour le transfert des contrats de travail. C'est tout. Par contre, les directives européennes ont repris d'ailleurs les modalités de l'article 122-12 du Code du travail en particulier, et l'Europe a imposé aux États membres donc cette obligation de transfert du contrat de travail s'il y avait poursuite de l'activité. Voilà qu'il faut quand même éclaircir les choses au point de vue juridique proprement dit, hein, parce qu'autrement c'est vrai qu'autrefois c'était au siècle précédent, avant-guerre, il y avait pratiquement rien de prévu. C'est-à-dire qu'un patron qui arrivait dans une entreprise, un nouveau patron qui arrivait dans l'entreprise, pouvait licencier tout le personnel et puis reprendre ce qu'il voulait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, il y aura peut-être des artifices pour l'halte garderie de Revillon qui vont être mis en place, mais en tout cas, ce qui prévaut dans le droit français, dans le droit européen, c'est à partir du moment qu'il y a une activité, cette activité perdure, sous quelque forme, quelle que soit, bien sûr que ce soit dans la même forme, c'est-à-dire une halte garderie reste halte garderie. Donc, si cette activité perdure, il est bien évident que les contrats de travail des personnes présentes doivent être repris. Voilà, on en est là aujourd'hui, et c'est pour ça que les salariés nous ont avertis, par rapport à leur situation aujourd'hui, puisqu'ils estiment certainement, juste droit, qu'ils n'auraient pas dû être licenciés. Bon, avant de poursuivre, et puis pour permettre éventuellement la réaction de nos auditeurs, on va s'accorder une pause musicale. Thank you. Nous reprenons l'antenne donc avec Leïla qui a travaillé à l'halte garderie de Revillon et puis qui aujourd'hui postule à des emplois dans le domaine social, c'est-à-dire la garde des enfants, les centres aérés, etc. Et puis on va voir aussi qu'il y a une certaine discrimination qui peut se faire jour. Ne serait-ce que par rapport au nom de famille, ne serait-ce que par rapport à la situation de certains foyers, etc. Bien entendu, même les services sociaux, on pourrait dire, une municipalité n'échappe pas à certaines pratiques discriminatoires, on va dire. Enfin, moi, je ne sais pas, je peux être contredit dans ce que je dis, bien entendu, mais bon. Juste un truc, Leïla, tu le ressens comme ça, toi ? Je vais finir par vraiment le ressentir comme ça. Ouais. On y reviendra peut-être. Parce que si tu le ressens comme ça, c'est que c'est comme ça, quoi. Mais pourquoi on peut se demander pourquoi, de toute façon, déjà la fermeture de cette association se dissout, alors qu'elle a encore des charges de personnel, au moins, minimum, jusqu'à deux mois après. L'arrêt de l'activité, puisque de toute façon les salariés doivent avoir au moins 2 mois de préavis, ou ces 2 mois de préavis sont reversés à la CEDIC dans un dispositif de conversion. Donc on peut s'étonner déjà de la dissolution de cette association, et il apparaîtrait quand même que les ordres qui ont été donnés, les décisions qui ont été prises émanent de certaines personnes du centre social. On peut penser ça, puisque de toute façon, la présidente actuelle de l'association était assistée lors de la dissolution, paraît-il, par justement l'une des responsables du centre social. Tout à fait. Alors, ça peut paraître assez paradoxal, parce qu'on a l'impression que on dicte des ordres. Bien sûr, une présidente d'association de 1901, on lui fait endosser des responsabilités. Et puis à côté de ça, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce que devient la halte garderie. Parce que les parents, je pense, n'ont pas été forcément... Est-ce que les parents étaient rassurés sur l'avenir ? Je ne pense pas que ça a été le cas lors de cette dissolution. Aucune idée. Parce que finalement, une association de loi de 1901, elle avait l'intérêt de regrouper le maximum de parents de l'école de Révillon. C'était ça, je pense. C'était ça à la base, et c'est ce qui fonctionnait pendant des années et des années. Elle était créée quand ? Tu ne sais pas. Je crois qu'il y a entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans que cette association avait été créée. Elle avait été créée au temps de M. Didier déjà. Et à l'époque, la présidente était une personne qui travaillait dans le secteur de Remiremont, qui travaillait souvent avec les jeunes ados, et qui avait très bien géré cette halte garderie au début. Alors, quelles sont un peu les relations avec les enseignants dans ces cas-là ? Enfin, les enseignants eux-mêmes sont quelquefois parents d'élèves. Bonne question. Je pense qu'eux aussi, ils ont été... Parce que là, on est quand même dans des locaux communaux, mais je pense quand même que l'éducation nationale, ça regarde aussi un tout petit peu l'éducation nationale, non ? Alors franchement, l'impression. Franchement, j'ai l'impression. On aura des réactions. Non, mais c'est quand même hors éducation nationale. Voilà. La municipalité dispose de ses propres locaux, puisque les locaux, en étant utilisés par l'éducation nationale, sont propriété de la commune. Là, je suis d'accord. Oui, c'est assez... Mais quel est l'avenir, alors, aujourd'hui, que les salariés n'ont apparemment pas reçu vraiment une lettre de licenciement, mais on leur a dit qu'ils étaient licenciés quand même malgré tout, pour motif économique. Et alors, que va devenir cette halte-garderie ? On peut craindre la fermeture définitive de cette halte-garderie ? Ou bien une reprise par une autre association qui ferait la même activité ? Alors moi, je pense et j'espère qu'une halte-garderie doit quand même pérenniser avec une école. Une école fonctionne, ils fonctionnent en binôme. Vous avez une idée du nombre d'élèves qu'il y a à l'école de Revillon aujourd'hui ? Alors là, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée au niveau de l'établissement, je ne pourrais pas dire. Mais pour moi, une halte-garderie et un établissement fonctionnent en binôme. Quand l'établissement ferme, c'est la halte-garderie qui récupère les enfants et pour les confier à leurs parents. Donc c'est une situation qui doit continuer. Moi, ses parents, comment ils vont faire ? Penser qu'il y a des, il y a effectivement une halte garderie, il y a des élèves, il y a des enfants, là, il y a des parents d'élèves qui souhaitent certainement faire garder leurs enfants. Alors, pourquoi que cette activité ne serait pas pérennisée ? Mais, de toute façon, vous avez raison, il faut que ça travaille bien. Est-ce que c'est simplement un point de vue financier ? Comment tu analyses cette situation ? Est-ce qu'il y a assez d'élèves, en fait, à l'école, pour nourrir les nappes ? Oui. Bah, c'est pas les nappes en fait, ça n'a rien à voir. Il y avait aussi les nappes. Il y a eu les nappes, c'est autre chose. Nappes, c'est le mardi après-midi, c'est pris en charge justement par, par le centre social en binôme avec la mairie. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place, ça fait déjà 3 ans. On arrive à la fin. C'était une loi, puis on arrive à la fin. Puisqu'il n'a pas été reconduit par le gouvernement Macron. Tout à fait, plus de financement apparemment, et c'est une perte d'argent. Donc après, alors c'est peut-être ça qui c'est pas ça qui peut motiver quand même le licenciement de trois personnes, parce que ces personnes-là ne s'occupaient pas des nappes. Non, ça n'avait rien à voir, hein. C'était uniquement halte-garderie. Voilà, ils faisaient et vraiment en aucune façon les nappes. Non, d'accord. Donc je sais qu'il y a Parce que vous bien comprendre que pour nos auditeurs, on a l'impression que ce que je ressens, c'est qu'on a un peu une confusion. Moi, j'ai une question à poser. Déjà, l'école, elle n'est pas menacée. Non. Bon. L'école, non, parce que... C'est une bonne nouvelle, ça. Il y a quand même un grand nombre d'élèves. Hein. Revillon, c'est quand même un quartier... Il y en a combien, Michel, à peu près, Leïla? On ne sait pas. Je ne saurais pas dire. Hein. Je comptais sur notre intervenante de ce soir pour connaître un petit peu ça. Mais on ne sait pas. De toute façon, on pourra toujours se renseigner. Mm-hmm. Et puis bien sûr, la présidente de cette association, enfin l'ex-présidente, je ne sais pas comment dire, pourrait nous renseigner éventuellement et on pourrait l'inviter lors d'une autre émission. Le sujet pour le moment, ce n'est pas l'école, c'est la halte garderie et donc les enfants, les parents d'élèves et les enfants qui sont pris en charge par cette halte de garderie. Hein, mais c'est vrai que c'est un quartier quand même dynamique, Revillon, il y a quand même beaucoup de personnes. Il y a aussi des magasins, mais c'est une histoire. Oui. Hein, donc c'est quand même un quartier qui est vivant, qui est dynamique, on pourrait dire, un peu sur Remiremont. Puis qui est quand même excentré par rapport à Remiremont. Et donc, d'où la nécessité d'un établissement scolaire, d'où la nécessité d'une halte garderie, et puis des prestations que peuvent donner aux parents d'élèves l'halte garderie. Moi, je crois qu'on peut résumer la situation comme ça. Et ces trois salariés, que pensent-ils de cette situation ? On ne les a pas invités, parce que si on les invitait, il aurait peut-être fallu inviter aussi les protagonistes de cette décision de les licencier. Et donc, pour le moment, ça me semblait un peu prématuré. Les salariés sont quand même outrés de la situation. Ils se sentent jetés... Comme des malpropres. Alors qu'elles ont quand même donné... On parle souvent des entreprises qui jettent des salariés comme ça, qui licencient des salariés associations, mais là, on est dans le social. On est dans le social et il y a une brutalité incroyable dans ces licenciements. Hein, on peut dire les choses comme ça. Moi, j'ai une question à poser. Les horaires de la halte garderie, ça se passe comment ? Quels horaires ? Ça convient bien aux parents ? Oui, en général, les horaires sont assez corrects pour les parents. En sachant que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que du temps de midi, il n'y a plus rien. Malheureusement, sauf le mercredi. Pour les enfants qui ne vont pas au mercredi récréatif. Il y en a certains qui descendent dans les cantines en ville ? Le temps de midi ? Alors non, il n'y a pas de cantine le mercredi, par contre... Non mais je parle toujours de la semaine, du temps de midi, la semaine. Oui, il y a des enfants qui descendent le temps de midi... Donc ils regagnent leur foyer, c'est un bus qui vient les récupérer le temps de midi pour les redescendre à la cantine. Le temps de midi, ils les récupèrent pour les remonter à Révillon. Mais ils vont manger où, Leïla, vous dites ? Pardon, Michel. Oui, vas-y. Alors, je sais que... par rapport aux effectifs d'enfants qu'il y avait en cantine, ils ont réouvert la cantine de la Grange Puton en renfort de la cantine municipale. Donc, chose qui est bien. Ça fait plus de place pour les enfants, ça fait moins de bruit pour les salariés permanents de la cantine. Et puis, Parce que c'est bien aménagé, là. Ben oui, c'est un centre aéré, la grange piéton également. Ça doit être la salle restaurant, elle est bien aménagée. Oui, elle est très bien. Ils ont fait du bon travail. Oui, oui, c'est bien. Mm-hmm. La cantine municipale, elle est. Mais ça oblige donc à un déplacement des élèves. Obligatoire. Obligatoire entre Revillon et la grange piton. Alors, est-ce que les enfants de Revillon vont à la grange piton ou mangent au restaurant municipal? Ça, je pourrais pas te dire. Le restaurant municipal, c'est bien dans le château, là. Le château Zeller. Le château Zeller, oui. Donc, il y aurait trois cantines, en fait. Deux. Il y a la grange Puton. Et le château Zeller. Et le parc Zeller. Zeller. C'est ça. D'accord. Il n'y a pas d'autres pour les autres écoles. Et il y avait Revillon, alors, avant. Ah, je ne sais pas s'ils ont déjà eu une cantine. Il n'y a jamais eu de cantine à Revillon. Je ne pense pas, non. À part le mercredi, quoi. Non, même pas. D'accord. Non, mais ça mérite quand même d'être éclairci, tout ça, parce que c'est vrai que on est quand même un peu à l'extérieur de Remiremont, et souvent les autres parents, nos auditeurs, ne connaissent pas forcément le fonctionnement de ces structures périscolaires qu'on découvre ce soir grâce à Leïla. Moi, je croyais qu'en fait, les enfants, ils sortaient de l'école et qu'ils mangeaient à la cantine... à Revillon, quoi, au Remont. Non. Ça s'est jamais fait, en fait. Non. Ce serait chouette que ça se fasse. Ce serait de débloquer, trouver des financements, faire des travaux. Ouais. Et là, il faut qu'une cantine soit réglementée. Attention. Oui, hein, en alors, qu'est-ce que tu penses? C'est peut-être un sujet qu'on aborde ce soir comme ça, fortuitement. Que penses-tu de cette volonté de mettre du bio dans les cantines aujourd'hui? Alors, parce que toi-même, tu as été en contrat aussi dans une cantine scolaire? Non. Tu n'as jamais travaillé? Non, mais j'ai pas eu cette chance, mais j'ai... Enfin, t'es parent d'élève. Je suis parent d'élève, j'ai quand même 4 enfants donc, qui ont côtoyé la cantine de Remiremont. Et le fait de donner le choix aux enfants et de ne pas leur donner la même chose dans leurs assiettes, ce qu'ils mangent à la maison habituellement, c'est bien de leur proposer autre chose à la cantine. Tout à fait. À la cantine. Avec des copains, je pense qu'ils seront quand même plus tentés. Il n'y a pas de menu imposé, par exemple, pour des enfants qui pratiqueraient la religion musulmane. Alors, c'est un peu compliqué et ça reste toujours complexe quand on parle de viande pour musulmans ou pas musulmans. Moi, ce que je vois, c'est que... Les gens de la confession musulmane ou même de la confession judaïsme ne mangent pas la viande. Que ce soit du steak ou... D'accord. C'est voilà. Toutes les Donc viandes. Après, moi, je crois qu'on stigmatise toujours musulman, mais on n'est pas les seuls. Nous, on ne demande pas à avoir du halal dans nos cantines, mais juste qu'on respecte nos enfants. Oui, pour ceux qui sont. Il y a des végétariens, il y a des véganes. Voilà, tout à fait. Et je pense que donner le choix aux enfants, c'est bien. Ouais. Parce que leur donner souvent, tout le temps la même chose, des pâtes, des frites, c'est bon, quoi. Les légumes, leur donner un petit peu de couleur dans leurs assiettes, et ça les incitera, ça va plus les inciter à manger quand ils sont en communauté avec leurs copains, copines à la cantine, que quand ils sont tout seuls avec maman et papa à la maison. Ce sera beaucoup plus complexe pour eux de goûter un légume. Au contraire, avec des enfants, des copains, ils se mettront un défi. Ah ben lui, il a goûté, moi je vais faire autant. Ouais, c'est comme un jeu. S'il faut leur présenter ça comme quelque chose de lourd. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on utilise tellement de pesticides qu'on ne sait même plus. Qu'est-ce qu'on mange? Oui, bah oui, bien sûr. Donc, on parle de bio. Le bio, tout le monde peut en faire. Un petit coin de jardin, on creuse la terre, on plante des graines et ça pousse très très vite. Quand on est dans un HLM. Quand même. Oui. Certes, mais moi je pensais justement qu'avec tout ce que le centre social avait mis en place et tout, je pensais qu'ils allaient faire quand même des jardins communaux. Ah, pour les locataires, c'est pas la place qui manque, c'est pas l'ensoleillement qui manque. Donc moi je comprends pas pourquoi ces activités n'ont pas été faites, n'ont pas été mises en place. Qui plus est, ils auraient pu mettre comme il y a depuis des années au Champ de Mars. Ils ont un petit jardin à chaque locataire. C'est super. Ouais. Bon, faut que je plante mon persil, faut pas que j'oublie de planter mon persil sur le balcon. Voilà, et puis moi je pense que justement ça pourrait apporter de la convivialité, un échange, puisque au jour d'aujourd'hui le quartier Remiremont et le Rumont se mélangent. Oui. On a pu l'ancienne population des années 80, des années 90, des années 2000. Là, on rechange encore. Donc, faut vraiment s'adapter aux personnes qu'on a dans notre ville. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions pour passer le plus de temps et d'échanger. Surtout pour les gens qui viennent d'arriver, qui viennent de passer par des épreuves qui sont cruelles. Il faut leur donner l'envie d'avancer, ne pas rester buté sur des choses qu'ils ont vécues. C'est pas buté, c'est un gros mot. Et je m'excuse d'avoir utilisé ce terme-là pour des choses qu'ils ont vécues très très très traumatisantes, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs enfants. On les accueille, autant leur faire vivre des choses conviviales et de leur apporter un petit peu d'amour, d'amour. De compréhension. De solidarité, d'entraide, de voisinage, de copinage, si vous voulez. Oui. Ça manque énormément aux gens. Ah oui, alors je pense qu'on va parler un peu d'intégration des personnes d'origine étrangère, d'origine migrante à Remiremont, et puis des discriminations qu'on peut constater au jour le jour, puisqu'elles existent. Mais après une pause musicale. Ah oui, il y a un auditeur... au téléphone. Pourriez-vous nous passer à l'antenne, s'il vous plaît? Ça y est, je pense que c'est bon, là, non? C'est bon? Non, on l'a pas. Allô? On l'a pas, non. Si. Allô? Allô? Oui, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Donnez-nous votre message, madame. J'appelais parce qu'en fait, j'écoute l'émission et en fait, je suis pas vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve aussi que c'est bien d'en parler. Les personnes qui sont présentes ne sont pas forcément au courant de la situation. Parce que c'est Leïla, je ne sais plus son prénom, dit beaucoup je ne sais pas combien il y a d'enfants, je ne suis pas au courant de plein de choses. Et on entend beaucoup aussi. Vous comprenez pas pourquoi une association fait des licenciements de personnel. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est l'association, c'est quoi? Dans celle-ci, en tout cas, c'est des parents d'élèves. Un parent d'élève, en général, il s'est inscrit dans l'association là parce qu'il a son enfant aussi qui fait partie de la garderie. Et c'est à la base, s'il veut en faire partie, il se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas vraiment il n'avait pas vraiment évalué tous les engagements que ça représentait. Oui, autrement dit, vous pensez que là, c'est les parents qui sont un petit peu pris en otage dans cette histoire-là, puisque de toute façon, ils attendaient une prestation qui risque de ne plus avoir demain. Voilà, et en fait, moi je pense que dans une situation comme celle-là, alors je parle pas des associations en général, je parle de celle-ci en particulier qui a des employés, et en fait, une association standard peut-être qui n'a pas d'employés se gère complètement différemment. En même temps, celle-là, résumer la situation, vous dites comment ça se fait par rapport à l'argent, etc. Une chose simple, vous avez 100 € dans votre caisse et il faut en dépenser 200 par mois. Comme si vous rentrez 100 € en entrée et vous devez en sortir 200. C'est pas forcément, je pense que quand même on est dans le domaine des associations en loi de 1901, c'est pas forcément une activité lucrative. En même temps, c'est forcément, je pense que c'est forcément une activité qui est subventionnée, autrement elle ne serait plus depuis longtemps. Voilà. Mais rien que le fait de dire ça, une association de loi 1901, allez demander à n'importe quel parent d'élève, c'est quoi cette loi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'il y a 100% des parents qui vont vous dire, bien sûr, la loi de 1901, bien sûr, je la connais. Voilà. Personne ne connaît les textes de loi du bout des doigts. Je pense quand même que... Vu les centaines d'associations, il y a quand même énormément de personnes qui sont au courant quand même du fonctionnement de l'association. Je suis bien d'accord, il y a plein de personnes qui sont totalement aptes à gérer ce genre de structure. Le problème, c'est que dans celle-ci, il n'y a personne qui est apte, en tout cas, à gérer tout ça. Parce qu'il y a quand même énormément de travail à fournir. Je veux dire, les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a quand même la majorité des personnes qui travaillent, qui partent au travail à 7h30 le matin, qui rentrent à 7h le soir. Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Gérer des employés, payer des salaires, payer les charges sociales, faire tous les récapitulatifs de toutes les heures, de tous les enfants, les entrées, les sorties, etc. C'est une énorme gestion. Il faut être passionné, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. Et puis, il faut connaître aussi, il faut avoir un réseau, il faut connaître... je veux dire, demain, vous avez une employée, parce qu'en plus, on parle d'employés, donc des employeurs. Donc là, on ne parle même plus de parents d'élèves. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle vraiment d'une mini-entreprise, quoi. C'est évident qu'il y a de nombreuses associations, loi de 1901, qui gèrent du personnel. Hein, ce n'est pas l'exception. Je pense que l'association de Revillon n'est pas l'exception, et loin s'en faut. Nous-mêmes, Radio Locale Associative, on gère aussi du personnel, forcément. Hein, je crois que ce n'est pas l'exception, et qu'il existe quand même des structures, il existe des comptables, il existe des aides publiques. Pour faire ce genre de prestations. Je fais de la comptabilité et je peux vous dire que quand vous avez fait toute votre journée de travail, vous rentrez le soir, vous plongez là-dedans et puis faire des tas de choses, et puis quand vous voyez les comptes, et puis qu'en fait il y a plus de sorties que de rentrées, vous faites quoi ? Alors moi je suis moi je répète. Vous avez pas le temps, parce que la mairie, il faut aussi voir les horaires d'ouverture. Quand vous partez à 7h30, vous rentrez à 6h30, 7h. Quand est-ce que vous avez le temps d'aller à la mairie ? Quand est-ce que vous avez le temps de téléphoner ? Comment vous faites quand vous connaissez pas les réseaux, les sociaux, les machins, les trucs ? Comment vous faites pour rejoindre les personnes ? Un simple parent d'élève qui connaît juste sa copine voisine, elle va faire comment ? Mais l'employé, il faut qu'il soit deux. Ah oui, elle est en maladie. Je pense qu'à certains moments. Comment vous allez faire pour aller trouver quelqu'un pour remplacer, par exemple, ou pour aller à la mairie, ou avoir le temps de faire toutes ces choses-là ? On peut pas. Moi, je pense que si des personnes. Certainement qu'il y a des parents d'élèves qui sont aptes à gérer tout ça. Mais alors, à ce moment-là, il faut trouver les bonnes personnes. Je vous rappelle quand même que il y a déjà pas mal de temps. Les gouvernements successifs ont mis en place des dispositifs pour les militants associatifs. Hein, ça existe quand même. Je comprends très bien qu'un employeur ne va pas... Il faut avoir le temps de faire tout ça et avoir... Enfin, surtout le temps, hein, mais il faut aussi avoir envie. C'est du bénévolat ces personnes font. C'est du bénévolat, ils donnent de leur temps. Exactement. Donc les employés sont là, et ben eux ils sont dans leur statut d'employé, ils ont un salaire, etc. Mais en même temps, les pauvres parents d'élèves, j'ai envie de dire, qui sont là en tant que bénévoles, qui ont peu de temps avec leur travail à côté, comment vous voulez qu'ils gèrent une espèce de micro-entreprise comme ça, alors qu'ils n'ont pas vraiment eu forcément l'envie d'avoir À ce moment-là, on pourrait se dire que dans les activités humaines, il n'y aurait plus que des activités lucratives. Et c'est quand même bien le rôle des collectivités, à mon avis, d'aider ce genre d'association, puisque ça les arrange. Qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Même pas forcément financier, mais je veux dire d'accompagnement. Accompagnement physique et justement au niveau juridique et administratif. Vous voyez, cette association n'a eu aucune aide jusque-là, maintenant, là où on commence à sortir le personnel, là, les gens commencent à venir aider cette association, mais malheureusement, pas dans le bon sens. c'est pas seulement de maintenant hein, qu'il y a des problèmes. Hein. Je le sais très bien, je le sais très bien, madame. Ça va faire déjà plus de 2 ans. Je me souviens qu'il y avait une personne qui avait essayé de fermer tout ça. Ça fait même pratiquement 3 ans. Voilà. La dame avait essayé de fermer cette association de manière à se... parce qu'elle voyait que la situation allait dégénérer. Et on l'a dissuadée de ne pas fermer cette association. Justement, c'était moi. Donc, oui, je ne voulais pas le dire. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas très bien, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics, enfin de la municipalité. On va pas, on va limiter quand même au rôle de la municipalité dans ce genre de structure. Parce que la plupart du temps, les municipalités laissent les citoyens prennent des initiatives et ne les aident pas. Et puis souvent, disent ça nous coûte trop cher, on ferme. Alors là, je crois que quand même, il y a un problème. Il y a un réel problème. Moi, je suis pas d'accord avec le titre mini-entreprise. Bah si, puisqu'il y a des salariés. Oui, mais je sais pas, peut-être la garderie à Miremont. C'est un but social, je suis d'accord. Ah oui, les autres, mais alors à ce moment-là, qui viennent et puis qui prennent, si pour eux c'est facile, qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire, si les personnes qui pour eux c'est pas un problème, c'est facile, il n'y a pas de souci, mais qui viennent. Mais alors à ce moment-là, qu'on explique bien aux personnes qui veulent s'investir, qui veulent faire partie de cette association, ce qu'elles doivent faire, à quoi ils sont engagés. On a quand même l'impression d'extérieur, comme ça, d'après tous les renseignements qu'on a collectés, parce que bien sûr, avant de faire cette émission, je me suis entouré de garanties sur les paroles des uns et des autres, que c'est quand même le centre social qui dirige tout, qui impose y compris les associations loi de 1901, leur façon de faire. Mais nous, enfin, je veux dire, quand vous êtes parent d'élève, vous amenez votre enfant à l'école, vous allez le rechercher, vous faites votre chèque de garderie, et puis voilà, vous n'allez pas vous amuser mais vous savez pas tout ce qui en découle derrière, le centre social, le machin, tout ça, vous occupez pas de ça, vous savez même pas le fonctionnement de chacun son métier, quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Je pense que les bénévoles d'une association devraient être davantage soutenus, et puis surtout qu'on leur dicte des choses de l'extérieur, alors que les personnes qui leur dictent des choses ne prennent pas pleinement leurs responsabilités. Enfin, on a l'impression de l'extérieur. Je suis complètement extérieur à ce problème. On a quand même l'impression que on a sacrifié 3 salariés. On n'oserait pas faire ça dans une entreprise. Non, c'est ça. Ben, merci madame, hein, excusez-moi, mais merci beaucoup. Là les orthos, ben, merci de votre intervention. Merci encore. Puis bonne soirée à vous. Oui, vous aussi, merci. Au revoir. Oui, ben alors réaction qui est quand même nous situe bien sur ce qui se passe dedans. Tout à fait, je suis très contente que cette personne ait appelé. Au moins, on a eu une auditrice qui a pu dire réellement ce qui se passait. Aucun accompagnement, malheureusement, aucun soutien. Et comme la dame l'a eu utilisé. Tout à fait ce qu'elle a dit, mais enfin, elle dit que ben des bénévoles, ben oui, ça c'est le bénévolat, c'est limite parce que ben, les gens travaillent, etc. Ils sont parents d'élèves, ils sont occupés de leurs enfants, ils sont occupés de leurs propres affaires, etc. Ils peuvent pas être partout. Et puis quand ils sortent du boulot, ben il y a plus rien de possibilité de contacter des responsables administratifs. Moi, c'est peut-être une idée fausse que je me fais certainement, mais j'ai l'impression que il y a en fait plus les associations ou les entreprises sont petites, plus elles ont du mal à rester debout. Que, je sais pas, j'ai l'impression que la garderie de Miremont n'aura pas les mêmes soucis qu'une petite garderie, que ce soit au Rumont ou dans un petit village ou que ce soit dans une vallée. C'est pas une question de quantité, c'est effectivement une question d'accompagnement, d'aide qui peut être fournie à ces structures qui devraient être pratiquement à la charge de la collectivité, hein, parce que finalement elles sont effectivement non seulement à la charge des parents, mais aussi à la charge de la collectivité, où la collectivité a intérêt à développer des structures sociales, et puis souvent d'ailleurs c'est un petit peu le un leitmotiv pour des élus de développer ce type de mais il suffit pas simplement de développer ce type d'activité, mais encore faut-il l'accompagner et puis assurer la pérennité des emplois, parce qu'alors autrement ça veut dire que c'est une démission collective ou c'est du moins saboter tout le social dans une commune. Tout à fait. Parce qu'on a l'impression aussi, d'après les renseignements qu'on a, que c'est le centre social qui a accompagné cette déconfiture ouais, plutôt que d'aider. Dommage, l'émission se termine, mais vous reviendrez m'expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire, non ? Ben, c'est à nos auditeurs de le dire, c'est aux personnes concernées de le dire, c'est pas à nous, bien entendu. Nous, on ne peut que donner la parole aux personnes pour voir ce qui va se passer. Oui. Ben, on termine là cette émission, hein, désolé, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Oui. Merci de votre attention, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à notre invité. Merci à tous, au revoir. Bonsoir.